Chapitre 3 Des essais de Montaigne Livre 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Essai par Michel Ekem de Montaigne Livre 1 Chapitre 3 Nos affections s'emportent au-delà de nous. Ceux qui accusent les hommes d'aller toujours béant après les choses futures et nous apprennent à nous saisir des biens présents et nous rasseoir en cela, comme n'ayant aucune prise sur ce qui est à venir, voire assez moins que nous n'avons sur ce qui est passé, touchent la plus commune des humaines erreurs. S'ils osent appeler erreur, chose à quoi nature même nous achemine pour le service de la continuation de son ouvrage. Nous imprimons, comme assez d'autres, cette imagination fausse, plus jalouse de notre action que de notre science. Nous ne sommes jamais chez nous. Nous sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l'espérance nous élancent vers l'avenir et nous dérobent le sentiment et la considération de ce qui est, pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. Calamitosus est animus futuri anxius. Ce grand précepte est souvent allégué en Platon. Fais ton fait et te connais. Chacun de ces deux membres enveloppe généralement tout notre devoir et semblablement enveloppe notre compagnon. Qui aurait à faire son fait, verrait que sa première leçon, c'est connaître ce qu'il est et ce qui lui est propre, et qui connaît ne prend plus le fait étranger pour le sien, sème et se cultive avant toute autre chose, refuse les occupations superflues et les pensées et les propositions inutiles. Comme la folie, quand on lui octroiera ce qu'elle désire ne sera pas contente. Aussi est la sagesse contente de ce qui est présent, ne se déplaît jamais de soi. Épicurus dispense son sage de la prévoyance et soucie de l'avenir. Entre les lois qui regardent les trépassés, celle-ci me semble autant solide qui oblige les actions des princes à être examinées après leur mort. Ils sont compagnons, sinon maîtres des lois. Ce que la justice n'a peu sur leur tête, c'est raison qu'elle le puise sur leur réputation et bien de leurs successeurs, chose que souvent nous préférons à la vie. C'est une usance qui apporte des commodités singulières aux nations où elle est observée et désirable à tout bon prince qui ont à se plaindre de ce qu'on tracte la mémoire des méchants comme la leur. Nous devons la subjection et obéissance également à tout roi, car elle regarde leur office. Mais l'estimation, non plus que l'affection, nous ne la devons qu'à leur vertu. Donnons à l'ordre politique de les souffrir patiemment, indignes, de sceller leurs vices, d'aider de notre recommandation leurs actions indifférentes, pendant que leur autorité a besoin de notre appui. Mais notre commerce fini, ce n'est pas raison de refuser à la justice et à notre liberté l'expression de nos vrais ressentiments, et nommément de refuser au bon sujet la gloire d'avoir révérément et fidèlement servi un maître, les imperfections duquel leur étaient bien connues, frustrant la postérité d'un si utile exemple. Et ceux qui, par respect de quelque obligation privée, épousent iniquement la mémoire d'un prince mais louable, font justice particulière aux dépenses de la justice publique. Titus Livius dit vrai que le langage des hommes nourris sous la royauté est toujours plein de vaines ostentations et faux témoignages, chacun élevant indifféremment son roi à l'extrême ligne de valeur et grandeur souveraine. On peut reprouver la magnanimité de ces deux soldats qui répondirent à Néron à sa barbe. L'un enquit de lui pourquoi il lui voulait mal. « Je t'aimais quand tu le valais, mais depuis que tu es devenu parricide, boute-feu, basteleur, cochier, je te hais comme tu mérites. » L'autre, pourquoi il le voulait tuer ? parce que je ne trouve autre remède à tes continuels maléfices. Mais les publics et les universels témoignages qui, après sa mort, ont été rendus et le seront à tout jamais à lui et à tout méchant comme lui de ses tyranniques et vilains déportements, qui de saint entendement les put reprouver? Il me déplaît qu'en une si sainte police que la lacédémonienne se fût mêlée une si feinte cérémonie. À la mort des rois, tous les confédérés et voisins, et tous les îlots, hommes, femmes, pêle-mêle, se découpaient le front pour témoignage de deuil, et disaient en leurs cris et lamentations que celui-là, quel qu'il eût été, était le meilleur roi de tous les leurs, attribuant au rang le los, qui appartenait au mérite, et qui appartient au premier mérite, au postrême et dernier rang. Aristote, qui remue toute chose, s'enquiert sur le mot de Solon que nul avant mourir ne peut être dit heureux, si celui-là même qui a vécu et qui est mort à souhait peut être dit heureux si sa renommée va mal, si sa postérité est misérable. Pendant que nous nous remuons, nous nous portons par préoccupation où il nous plaît. Mais étant hors de l'être, nous n'avons aucune communication avec ce qui est. Et serait meilleur de dire à Solon que jamais homme n'est donc heureux, puisqu'il ne l'est qu'après qu'il n'est plus. Quisquam vix radicitus, evita setolit et aesit. Cet facit esse sui quidam super insius ipse. Nec removet satis a proiecto corpore sese et vindicat. Bertrand du Guesclin mourut au siège du château de Randon, près du Puy, en Auvergne. Les assiégés, s'étant rendus après, furent obligés de porter les clés de la place sur le corps du trépassé. Barthélemy d'Alviane, général de l'armée des Vénitiens, étant mort au service de leur guerre en la Bresse, et son corps ayant été rapporté à Venise par le Véronois, terre ennemie, la plupart de ceux de l'armée étaient d'avis qu'on demandât sauf-conduit pour le passage à ceux de Vérone. Mais Théodore Trivulce y contredit et choisit plutôt de le passer par vive force, au hasard du combat. N'étant convenable, disoit-il, que celui qui en sa vie n'avait jamais eu peur de ses ennemis, étant mort, fait démonstration de les craindre. De vrai, en chose voisine, par les lois grecques, celui qui demandait à l'ennemi un corps pour l'inhumer renonçait à la victoire et ne lui était plus loisible d'en dresser trophée. À celui qui en était requis, c'était titre de gain. Ainsi perdit Nicia l'avantage qu'il avait nettement gagné sur les Corinthiens. Et au rebours, Agésilos assura celui qui lui était bien douteusement acquis sur les Béotiens. Ces traits se pourraient trouver étranges s'ils n'étaient reçus de tout temps, non seulement d'étendre le soin de nous au-delà de cette vie, mais encore de croire que bien souvent les faveurs célestes nous accompagnent au tombeau et continuent à nos reliques. De quoi il y a tant d'exemples anciens, laissant à part les nôtres, qui n'est besoin que je m'y étende. Édouard Ier, roi d'Angleterre, ayant essayé aux longues guerres d'entre lui et Robert, roi d'Écosse, combien sa présence donnait d'avantage à ses affaires, rapportant toujours la victoire de ceux qu'il entreprenait en personne, mourant, obligea son fils par solennel serment à ce qu'étant trépassé, il fait bouillir son corps pour déprendre sa chair d'avec les eaux, laquelle il fait enterrer, et quant aux eaux, qui les réserva pour les porter avec lui et en son armée toutes les fois qu'il lui adviendrait d'avoir guerre contre les Écossais, comme si la destinée avait fatalement attaché la victoire à ses membres. Jean Gichat, qui troubla la Bohême pour la défense des erreurs de Wiclé, voulut qu'on l'écorchât après sa mort et, de sa peau, qu'on fait un tabourin apporté à la guerre contre ses ennemis, estimant que cela aiderait à continuer les avantages qu'il avait eus aux guerres par lui conduite contre eux. Certains Indiens portaient ainsi au combat contre les Espagnols les ossements d'un de leurs capitaines, en considération de l'heure qu'il avait eue en vivant. et d'autres peuples, en ce même monde, traînent à la guerre les corps des vaillants hommes qui sont morts à leur bataille, pour leur servir de bonne fortune et d'encouragement. Les premiers exemples ne réservent au tombeau que la réputation acquise par leurs actions passées. Mais ceux-ci y veulent encore mêler la puissance d'agir. Le fait du capitaine Bayard est de meilleure composition, lequel, se sentant blessé à mort d'une arquebusade dans le corps, conseillé de se retirer de la mêlée, répondit qu'il ne commencerait point sur sa fin à tourner le dos à l'ennemi, et, ayant combattu autant qu'il eut de force, se sentant défaillir et échapper du cheval, commanda à son maître d'hôtel de le coucher au pied d'un arbre. Mais que ce fut en façon qu'il mourut le visage tourné vers l'ennemi, comme il le fait. Il me faut ajuster cet autre exemple aussi remarquable pour cette considération que nul des précédents. L'empereur Maximilien, bisaïeul du roi Philippe, qui est à présent, était prince doué de tout plein de grandes qualités, et entre autres d'une beauté de corps singulière. Mais parmi ses humeurs, il avait cette-ci, bien contraire à celle des princes qui, pour dépêcher le plus important affaire, font leur trône de leur chair percée. C'est qu'il n'eut jamais valet de chambre si privé à qui il permit de le voir en sa garde-robe. Il se dérobait pour tomber de l'eau, aussi religieux qu'une pucelle à ne découvrir ni un médecin, ni à qui que ce fût, les parties qu'on a accoutumées de tenir cachées. Moi, qui ai la bouche si affrontée, suis pourtant par complexion touchée de cette honte. Si ce n'est à une grande suasion de la nécessité ou de la volupté, je ne communique guère aux yeux de personne les membres et actions que notre coutume ordonne être couvertes. J'y souffre plus de contraintes que je n'estime bien séant à un homme, et surtout à un homme de ma profession. Mais lui, il en vint à telle superstition qu'il ordonna, par parole expresse de son testament, qu'on lui attachât les caleçons quand il serait mort. Il devait ajuster par codicille que celui qui les lui monterait eût les yeux bandés. L'ordonnance que Cyrus fait à ses enfants, que ni eux ni autres ne voient et touchent son corps après que l'âme en se serait séparée, je l'attribue à quelque sienne dévotion, car, et son historien et lui, entre leurs grandes qualités, ont semé partout le cours de leur vie un singulier soin et révérence à leur religion. Ce conte me déplut, qu'un grand me fait d'un mien allié, homme assez connu et en paix et en guerre. C'est que, mourant bien vieille en sa cour, tourmenté de douleurs extrêmes de la pierre, il amusa toutes ses heures dernières, avec un soin véhément, à disposer l'honneur et la cérémonie de son enterrement. Et somma toute la noblesse qui le visitait de lui donner parole d'assister à son convoi. À ce prince même, qui le vit sur ses derniers traits, il fit une instante supplication que sa maison fût commandée de s'y trouver, employant plusieurs exemples et raisons à prouver que c'était chose qui appartenait à un homme de sa sorte, et semblait espérer content ayant retiré cette promesse et ordonné à son gré la distribution et ordre de sa montre. Je n'ai guère vu de vanité si persévérante. Cette autre curiosité contraire, en laquelle je n'ai point aussi faute d'exemple domestique, me semble germaine à celle-ci. D'aller se soignant et passionnant à ce dernier point, à régler son convoi à quelque particulière et inusitée parcimonie, à un serviteur et une lanterne. Je veux louer cette humeur et l'ordonnance de Marcus Aemilius Lepidus, qui défendit à ses héritiers d'employer pour lui les cérémonies qu'on avait accoutumées en telle chose. Est-ce encore tempérance et frugalité d'éviter la dépense et la volupté, desquels l'usage et la connaissance nous est imperceptible? Voilà une aisée réformation, et de peu de coût. S'il était besoin d'en ordonner, je serais d'avis qu'en celle-là, comme en toute action de la vie, chacun en rapporta la règle au degré de sa fortune. Et le philosophe Lycon prescrit sagement à ses amis de mettre son corps où ils l'aviseront pour le mieux, et quant aux funérailles, de les faire ni superflues ni mécaniques. Je lairai purement la coutume ordonnée de cette cérémonie et m'en remettrai à la discrétion des premiers à qui je tomberai en charge. Totus hic locus est contemnendus in nobis, non negligendus in nostris. Et est saintement dit à un saint, curatio funeris, conditio sepultura, pompa exequiarum, magis sunt vivorum solatia, quam subsidia mortuorum. Pourtant, Socrate à Criston, qui, sur l'heure de sa fin, lui demande comment il veut être enterré, « Comme vous voudrez, » répond-il, « si j'avais à m'en empêcher plus avant, je trouverais plus galant d'imiter ceux qui entreprennent, vivants et respirant, jour de l'ordre et honneur de leur sépulture, et qui se plaisent de voir en marbre leur morte contenance. » Heureux qui sachent réjouir et gratifier leur sens par l'insensibilité et vivre de leur mort. À peu que je n'entre en haine irréconciliable contre toute domination populaire, quoiqu'elle me semble la plus naturelle et équitable, quand il me souvient de cette inhumaine injustice du peuple athénien, de faire mourir sans rémission et sans le vouloir seulement ouïr en leur défense, ces braves capitaines venant de gagner contre les Lacédémoniens la bataille navale près des îles Argineuses, la plus contestée, la plus forte bataille que les Grecs aient onque donnée en mer de leur force, parce qu'après la victoire, ils avaient suivi les occasions que la loi de la guerre leur présentait, plutôt que de s'arrêter à recueillir et inhumer leurs morts. Et rend cette exécution plus odieuse le fait de Diomédon. Celle-ci est l'un des condamnés, homme de notable vertu et militaire et politique, lequel, se tirant avant pour parler, après avoir ouï l'arrêt de leur condamnation, et se trouvant seulement leur temps de paisible audience, au lieu de s'en servir au bien de sa cause et à découvrir l'évidente injustice d'une si cruelle conclusion, ne représenta qu'un soin de la conservation de ses juges, priant les dieux de tourner ce jugement à leur bien. Et afin que, par faute de rendre les vœux que lui et ses compagnons avaient voués en reconnaissance d'une illustre fortune, ils n'attirassent l'ire des dieux sur eux, les avertissant quel vœu c'était, et sans dire autre chose et sans marchander, s'achemina de ce pas courageusement au supplice. La fortune, quelques années après, les punit de même pain soupe, car Chabrias, capitaine général de leur armée de mer, ayant eu le dessus du combat contre Polys, amiral de Sparte en île de Naxe, perdit le fruit tout net et content de sa victoire, très important à leurs affaires, pour n'encourir le malheur de cet exemple. Et pour ne perdre peu de corps morts de ses amis qui flottaient en mer, laissa voguer en sauveté un monde d'ennemis vivants qui, depuis, leur firent bien acheter cette importune superstition. Queris quo iasias post obitum loco, quo non nata iasent. Cet autre redonne le sentiment du repos à un corps sans âme. Neque sepulchrum, quo recipiatur, habeat portum corporis, ubi remissa humana vita, corpus requiescat amalis. Tout ainsi que nature nous fait voir que plusieurs choses mortes ont encore des relations occultes à la vie. Le vin s'altère aux caves, selon aucune mutation des saisons de sa vigne. Et la chair de venaison change d'état au saloir, et de goût, selon les lois de la chair vive, à ce qu'on dit. Fin du chapitre 3, lu par Agnès, Obi 2024.